LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ces femmes qu'il a aimées de manière très diverse, ce sont des femmes qui n'avaient pas peur de la vie et de courir des risques, qui se sont engagées, qui d'une certaine manière contribue aussi à créer autour de la figure de Kafka un halo posthume de courage. Chacune des femmes qu'il a rencontrées porte une partie du destin juif et du destin européen. Milena Morta Ravensbrück, Dora qui porte la mémoire du Yiddish en Angleterre, Félix qui, après s'être réfugié en Suisse, gagne les États-Unis et donc se sauve. Tout est là. L'amour et l'écriture, chez lui, sont une même chose. Sont le lieu d'un drame où il s'agirait de substituer à la loi quelque chose d'autre qui n'a pas de nom, qui ne peut que s'écrire et se consumer en s'adressant à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à une femme. Kafka, quatre femmes. Félicé, Milena, Dora, Otla. Une série documentaire de Ruth Zilbermann, réalisée par Julie Béressy. Si insignifiant que je sois, il n'y a personne ici qui me comprenne en totalité. Avoir quelqu'un qui aurait cette compréhension, une femme par exemple, cela signifierait être soutenue de tous les côtés. Avoir Dieu. Les femmes, il y en eut beaucoup auprès desquelles Franz Kafka, employé de jour à l'office d'assurance contre les accidents du travail au royaume de Bohême et écrivain la nuit, chercha souvent désespérément la compréhension. Parmi elles, il y eut celle du bout des lettres, les légendaires correspondantes. Félicé Boer, Milena Jesenska, et aussi les plus méconnues. Dora Diamant, l'amour de la dernière chance, Otla, la sœur tant aimée. Elles sont les figures d'un féminin à la fois terrifiant et inspirant, dont la réalité semble disparaître sous l'abondance anxieuse du regard de Kafka. Femmes de chair et d'os, pourtant, dont les vies racontent Kafka, évidemment, mais aussi les fureurs du XXe siècle, celle-là même que le guetteur pragois avait entrevue. Félicé Boer, alias Fé, comme on la surnommait dans sa famille, avait 25 ans en 1912. Juive berlinoise, bourgeoise et plutôt conventionnelle, comment aurait-elle pu imaginer que le jeune homme de 29 ans à l'allure si juvénile qu'elle rencontre un soir, ce jeune homme fonctionnaire qui n'a pour l'instant encore rien publié, fera d'elle l'objet d'une œuvre épistolaire monumentale. 500 lettres, 1 million de mots, 5 années à se mettre nu devant les fantômes, entre Prague et Berlin. Premier épisode. Félicé Boer, la première fiancée. Harangue sur l'échafaud. Il y a dans ta lettre une phrase que tu as déjà écrite une fois, moi aussi sans doute, nous nous appartenons absolument. C'est vrai, chérie, mille fois vrai. Je n'aurais pas de désir plus fort ni plus fou que d'avoir la main droite attachée par le poignet à ta main gauche et de telle sorte qu'on ne pourrait plus la délier. Je ne sais pas bien pourquoi cela me vient à l'esprit, peut-être parce que j'ai sous les yeux un livre sur la Révolution française qui contient des témoignages de contemporains, et qu'après tout, il est toujours possible, bien que je n'ai jamais rien lu ni entendu de tel nulle part, qu'un couple lié de cette façon ait été conduit à l'échafaud. Eine wunderbare Erfahrung in der Nähe von New York, als ich den Sohn von Félicé Boer getroffen habe, war, dass er mir Rainer Stach, biographe de Franz Kafka, geschenkt hat von Ce qui a été merveilleux quand j'ai rencontré le fils de Félicé Boer dans les environs de New York, c'est qu'il m'a offert une enveloppe originale adressée par Kafka à Félicé. Au recto de cette belle enveloppe, on lit Mademoiselle Félicé Boer, à l'adresse Karl Lindstrom Entreprise, Berlin Ost 17, et au verso, l'expéditeur, Dr. F. Kafka, Prague, Požičí 7. C'était l'adresse de la compagnie d'assurance contre les accidents du travail où il travaillait. L'écriture de Kafka est extraordinairement belle. On dirait presque qu'il fait de la calligraphie. Un grand K inimitable, avec une grande arabesque. Si on en revient au recto, on voit qu'il écrivait à l'adresse professionnelle de Félicé, pas à son adresse privée. Ils écrivaient donc tous les deux à leur bureau. Le sens est clair. Il ne fallait pas que leurs parents lisent ces lettres. Also rein äußerlich gesehen, auf den ersten Blick war sein Verhalten de l'extérieur, son attitude envers les femmes était tout ce qu'il y a de plus normal. C'était le comportement typique des jeunes hommes de son temps. Il avait les mêmes problèmes que tous les hommes de son âge. Le plus grand problème, quand on avait par exemple 20 ans, qu'on était encore étudiant, c'était comment rencontrer des femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de faire des études. La plupart n'avaient pas fait le lycée, en tout cas parmi les Allemandes. Et les occasions de rencontre étaient rares, car les jeunes femmes étaient étroitement surveillées par leur famille. Ce problème, les jeunes hommes le résolvaient souvent en allant voir des prostituées, jusqu'à ce qu'ils se marient. Et Kafka l'a fait lui aussi. Mais Kafka avait un problème, ou plutôt deux problèmes, qui n'étaient pas très répandus à l'époque. Le premier, c'est qu'il ne savait pas faire de la petite conversation. Il voulait parler de choses importantes qui l'intéressaient, pas de la pluie et du beau temps ou de recettes de cuisine. Et le second problème était que dans ses relations aux femmes, il ne savait pas isoler la sexualité du reste, c'est-à-dire faire comme si les prostituées ou les serveuses qu'il fréquentait n'étaient pas des femmes. Par deux fois, Kafka a entretenu une liaison avec une prostituée pendant des mois. Par deux fois, au moins. Et il allait avec elle au cinéma comme si de rien n'était. Il se promenait avec elle sur la Grand Place de Prague, où il risquait d'être vu par ses parents ou par des collègues de travail. Ça ne l'arrêtait pas. Kafka ne savait pas faire cette distinction artificielle. D'un côté, ces femmes-ci, de l'autre, ces femmes-là. Le mariage, ben oui, à première vue, le mariage, simplement une affaire sentimentale et sociale aussi. Mais pour Kafka, ce n'était pas ça. Archives de Marthe Robert, critique et traductrice de Franz Kafka. Dans toute la première partie de son œuvre, on voit courir des plaintes sur l'état de célibataire, le malheur d'être célibataire. Dans sa perspective très particulière, le célibataire est condamné. Socialement et spirituellement parlant, le célibataire est un homme manqué, c'est un homme raté. Cela, il cite souvent d'ailleurs un mot du Talmud qui n'est pas du tout sa lecture habituelle. Un homme sans femme n'est pas un homme. C'est la loi de Kafka. Le célibataire était en quelque sorte le symbole d'une existence aride, d'une existence vide, d'une existence sans lien avec la vie des autres. Kafka s'est toujours fait ce reproche. Certes, j'observe les autres, je sais très bien me mettre à leur place, mais je ne vis pas avec les autres, je ne vis pas avec eux, je n'appartiens pas à la communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant d'animaux dans ces textes. Les animaux observent les humains, mais ils ne vivent pas avec eux. Et Kafka se demandait à quoi rime cette vie si je reste célibataire jusqu'à la fin de mes jours, si je reste seul. Est-ce seulement une vie ? Donc le mariage est un but d'une extrême importance pour lui, et à 29 ans, époque à laquelle il rencontre Felice Bauer par hasard, à Prague, chez les parents de son ami Max Brod, il se sent déjà comme un vieux célibataire endurci et il craint de ne pas pouvoir se marier. Kafka arrive un soir chez les parents de son ami Max Brod. Il y va assez souvent après dîner parce qu'il ne dîne jamais chez personne. Il arrive ce soir-là avec sous le bras un petit paquet qui comprenait les récits qu'il venait de recueillir sur les instances de Max Brod précisément pour les publier chez Rowohlt. Il écrivait depuis toujours, et c'est la première fois que Max Brod réussissait à le convaincre de publier quelque chose. Et il arrive pour demander à Brod de l'aider à ordonner ses petits récits. Et il est étonné de trouver chez Brod, quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il ne s'attendait pas à voir, une jeune fille qu'il prend, dit-il ensuite dans son journal, pour une bonne. Max Brod ne l'avait pas prévenu qu'il y aurait un autre invité chez lui ce soir-là. Une lointaine parente de Berlin, du nom de Felice Bauer. Quand Kafka est arrivé chez les Brod, en retard comme d'habitude, avec son manuscrit sous le bras, il y avait assise là une femme qu'il ne connaissait pas, et dont il n'avait jamais entendu parler d'ailleurs. Visiblement, il n'avait jamais été question d'elle. Ce fut la première rencontre. Alors ils ont commencé à discuter, à parler de choses qui ont déplu aux autres personnes présentes autour de la table. Par exemple, d'un voyage qu'ils pourraient faire ensemble en Palestine. Je veux dire, c'est absurde, surtout à l'époque, de faire la connaissance d'une femme et cinq minutes plus tard de prévoir un voyage avec elle. C'était incroyable. Les parents de Max Brod n'en croyaient pas leurs oreilles de ce qui se passait à leur table. C'est comme ça que tout a commencé. Donc Felice lui apparaît tout à coup, brusquement, comme celle qui va lui permettre de faire l'épreuve de ce dont il est capable. Est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser des vices du célibataire? Est-ce qu'il va pouvoir devenir un homme d'ici? Felice, naturellement, ne se doute de rien, elle ne voit rien, elle ne remarque rien, elle bavarde un petit moment avec lui, et puis elle rentre, elle va d'abord, je ne sais pas, à Budapest, je ne sais où, puis elle rentre à Berlin, et probablement elle oublie la soirée. Journal, août 1912. Mademoiselle Felice Bauer. Lorsque je suis arrivé le 13 août chez Brod, elle était assise à la table et je l'ai quand même prise pour une bonne. Je n'étais d'ailleurs pas du tout curieux de savoir qui elle était, mais je me suis senti tout de suite à l'aise avec elle. Visage osseux et vide, qui porte ouvertement son vide, cou dégagé, blouse jetée sur elle, semblait habillée tout à fait comme une femme d'intérieur, alors qu'elle ne l'était pas du tout, comme cela apparut plus tard. Nez presque cassé, chevelure blonde, un peu rêche, sans éclat, mentant fort. Pendant que je m'asseyais, je l'ai regardée pour la première fois plus précisément. Quand je fus assis, j'avais déjà un jugement inébranlable. On ne peut pas exactement dire que ça respire la passion. Philippe Zard, professeur de littérature comparée. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est de comparer cette première évocation avec le premier paragraphe écrit par Kafka dans sa première lettre à Félix. Je me présente à nouveau pour le cas fort possible où vous n'auriez même pas gardé le plus petit souvenir de moi. Je m'appelle Franz Kafka. Je suis celui qui vous a salué pour la première fois à la soirée de Monsieur le directeur Brod à Prague. Mademoiselle, qui ensuite vous je a me passé présente de nouveau pour le cas fort possible où vous n'auriez pas même gardé le plus petit souvenir de moi. Je m'appelle Franz Kafka. Je suis celui qui vous a salué pour la première fois à la soirée de Monsieur le directeur Brod à Prague et qui a finalement tenu dans cette main occupée en ce moment à frapper les touches la main que vous lui avez tendue pour confirmer votre promesse de l'accompagner en Palestine l'an prochain. Même si vous aviez des raisons, je veux dire des raisons pratiques de ne pas me prendre pour compagnon de voyage, pour compagnon, guide, fardeau, tyran et tout ce que je pourrais encore devenir, il me semble qu'en tant que correspondant, et c'est uniquement de cela qu'il s'agirait pour l'instant, il ne devrait pas y avoir à première vue d'arguments décisifs contre moi et que vous devriez bien me prendre à l'essai. Votre sincèrement dévoué, Franz Kafka. Alors, c'est tout de même assez intéressant de voir que la première entrée en matière de Kafka, sa manière de se présenter à Félix, soit de cette manière très singulière qui consiste à associer Félix à une promesse de voyage en Palestine. C'est comme si Kafka, qui n'avait absolument pas été frappé par quoi que ce soit chez cette femme, tout à coup lui trouvait des charmes nouveaux en lui agrégeant des représentations imaginaires de ce fantasme de judaïsme ou ce fantôme de judaïsme qui le tourmentait depuis plusieurs mois. On a là une constellation imaginaire qui se met en place, tout de suite se surimpose à elle une image d'elle, avec laquelle, finalement, on peut dire que Kafka va jouer pendant des années. C'est une des questions les plus importantes de sa vie. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cette lettre? Pour comprendre, il faut se demander quel genre de femme Kafka connaissait-il jusqu'à présent. Je l'ai déjà évoqué, les prostituées bien sûr et les serveuses des tavernes. Ces femmes-là, il les connaissait. Mais sinon, qui connaissait-il sinon? Il avait des collègues femmes au bureau, mais c'était des secrétaires. Il n'était pas sur un pied d'égalité et elle n'avait pas la même éducation que lui. Qui d'autre? Ses sœurs. Ses sœurs non plus n'avaient pas le même niveau d'éducation ni le même intérêt pour la littérature. Pour les sœurs, il était le grand frère et une sorte de chef, mais il ne pouvait pas vraiment parler avec elles, pas sur un pied d'égalité. Et tout à coup, voilà cette femme d'affaires berlinoise. Cette femme peut voyager seule. Elle va seule à l'hôtel, dans l'hôtel le plus cher de Prague, qui plus est. Elle est spirituelle. Elle est visiblement indépendante. Elle n'est pas secrétaire, mais fondée de pouvoir dans une entreprise. Elle travaillait pour une entreprise à Berlin qui fabriquait des appareils très modernes, par exemple des gramophones, des parlographes, comme on disait, des machines à dicter, des dictaphones. De toute sa vie, Kafka n'avait jamais connu une femme pareille. Alors ça aussi, ça existe. Oui, ça a dû être sa première pensée. Et ce n'était pas le charme de cette femme, mais qu'une telle femme existe. Pour lui, ça a été une heureuse surprise. Elle était très compétente en affaires, énergique, très travailleuse, elle aimait beaucoup son travail. Et elle représentait pour Kafka, justement, un élément dont il avait besoin dans le mariage, c'est-à-dire une femme qui lui permette, au fond, de rejoindre les forces réelles, les forces simples, les forces élémentaires de la vie, dont il se sentait, lui, absolument éloigné. L'intermédiaire dont il avait besoin entre le monde d'ailleurs, où il croyait vivre, où il croyait être condamné à vivre, et le monde d'ici, où Felice était bien implanté, n'est-ce pas, qui était le monde du travail humain, le monde où on fonde une famille, où on a un travail utile et pas un travail de bureaucrate comme il se reprochait d'en exercer un, où justement, comme dans le château, on voit que, n'est-ce pas, le but suprême de l'arpenteur, justement, c'est d'être arpenteur, c'est-à-dire de faire un travail utile, concret, qui serve aux hommes. Il a toujours eu la plus grande admiration pour les gens qui savaient surmonter, qui savaient, c'est un mot qui revient tout le temps dans son œuvre autobiographique, comme d'ailleurs dans son œuvre romanesque, n'est-ce pas, surmonter la vie. Et pour cela, lui n'avait qu'un moyen, c'était d'écrire. Je dirais qu'avant 1912, Kafka ressentait un très grand besoin d'écrire, depuis toujours, depuis sa jeunesse en fait. Mais il ne s'était pas encore prouvé qu'il en était capable. C'est seulement une fois que la correspondance avec Felice Bauer a commencé, après qu'il a écrit sa première lettre, et en attendant la réponse, que soudain la percée a eu lieu, avec le récit Le Verdict. Ça a été un élan créatif incroyable, comme il n'en avait jamais connu. Et alors il a compris. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était qu'un prélude. À ce moment-là, il l'a su. Cette histoire est sortie de moi comme lors d'une vraie naissance, couverte de saleté et de mucosité, et je suis le seul à avoir la main qui peut pénétrer jusqu'au corps et qui en a l'envie. Le Verdict a été écrit en une nuit, chose absolument extraordinaire. C'est son premier texte achevé. Et, si bizarre que ça paraisse, c'est ça qui l'a attaché à Felice. Parce que il a cru que grâce à elle, grâce à cette espèce de réservoir de force qu'il pouvait trouver en elle, il avait enfin achevé quelque chose d'important. Et en novembre d'ailleurs, il va rédiger aussi, il va écrire La Métamorphose. Donc on a ici les œuvres de la percée, hein, les œuvres du Durchbruch, comme on dit en allemand. Florence Bonco, professeur de littérature et histoire des idées germaniques. Et c'est une période qui est centrale dans la vie de Kafka, bien évidemment, c'est là qu'il naît comme écrivain. Voilà, alors est-ce que Félix est une sorte de victime expiatoire, en fait? Est-ce que finalement cette relation, et il le dit d'ailleurs d'une certaine manière, lui donne le sang dont il a besoin, il emploie ce terme, hein, le sang dont il a besoin pour injecter la sève dans son œuvre et finalement lui permettre d'écrire et de se libérer par l'écriture. Chère mademoiselle Felice, ma vie au fond consiste et a consisté depuis toujours en tentatives pour écrire, et le plus souvent en tentatives manquées. Mais lorsque je n'écrivais pas, j'étais par terre, tout juste bon à être balayé. Maintenant, ma vie s'est élargie des pensées que je vous consacre. Il n'y a guère de quart d'heure de ma vie éveillée que je n'ai pensé à vous, et il y en a beaucoup pendant lesquelles je ne fais pas autre chose. Et même cela est en rapport avec ma littérature. À quel point vous êtes intimement lié à ma littérature, bien que jusqu'ici j'ai cru qu'en écrivant précisément je ne pensais pas le moins du monde à vous, c'est ce que j'ai constaté dernièrement avec stupéfaction. Et les lettres, ont commencé quotidiennement. Parfois c'était 2, 3, 4 lettres par jour. et elles se multipliaient voilà, dans le temps, et Kafka demandant à Félix tous les détails les plus infimes de sa vie, comment elle était habillée, que ce jour-là, ce qu'elle a fait, lui décrire tout son emploi du temps par le menu, lui envoyer des photos d'elle petite, d'elle dans telle et telle circonstance. Donc c'est vrai que c'était une sorte de prolifération incroyable de lettres. 28 septembre. Notez pour moi à quelle heure vous arrivez au bureau, ce que vous avez pris pour votre petit déjeuner, ce qu'on voit de la fenêtre de votre bureau, comment s'appellent vos amis. 2 novembre. Comment êtes-vous habillé au bureau? Et en quoi consiste l'essentiel de votre travail? Vous écrivez ou vous dictez? La nuit, le jour, dans le tramway, au bureau toute la journée. Pendant 6 mois, Kafka écrit à Berlin, sans songer qu'après tout, il y a des trains qui vont de Prague à Berlin. Il ne peut pas supporter la proximité de l'être aimé. Il ne lui faut qu'une distance savamment réglée. 18 novembre, télégramme, urgent. Félix Sebauer, Berlin, Immanuel Kirchstraße 29. Êtes-vous malade? Kafka. Beaucoup des premières lettres de Kafka sont très charmantes. Il joue ironiquement avec ses propres faiblesses. Il écrit qu'il est très paresseux au bureau, qu'en fait, son directeur devrait le mettre dehors parce qu'il ne fait que penser à son écriture ou à Félix toute la journée. C'est bien du charme au début qu'il déploie pour séduire cette femme. Il lui demande ce qu'elle lit, par exemple. Car à leur première rencontre, elle lui a raconté qu'elle lisait beaucoup. Elle a lu Strindberg, notamment, Arthur Schnitzler, et lui donne des conseils, ce qu'il trouve bon, ce qu'il trouve moins bon. Dans un premier temps, il a fallu qu'elle le pousse à dire à quoi ressemblait sa vie. Elle voulait savoir, mais qu'est-ce que tu fais exactement au bureau? Elle a dû lui demander 3 fois pour qu'il donne enfin une réponse précise. À l'arrière-plan, on entend la voix de la mère de Félix. C'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dis-moi un peu. Et cet homme de Prague ne donne pas de réponse concrète. Elle voulait savoir à la fin quel est son statut en tant que fonctionnaire. Et elle voulait savoir à quoi ressemblait son quotidien. Cela aussi, il a fallu qu'elle lui demande 3 fois avant qu'il lâche le morceau et dise que la moitié de la nuit, il est assis à son bureau à écrire. Félix, elle a quand même un avantage extraordinaire, c'est qu'elle habite à Berlin, c'est qu'elle est loin. Que Kafka est donc quasiment dispensé du contact physique. Hein. Et cette Félix, qui est une Félix imaginaire, lointaine, on sait qu'il va l'assaillir, il va l'assaillir de mots. Donc il y a quelque chose de compulsif qui s'apparente à une sorte d'auto-intoxication de Kafka hein, dans cette affaire de Félix. Il se saisit d'elle comme on se saisirait d'un avatar de femme, hein, d'un fantôme de femme, et il n'est pas dans le contact direct. Il se crée une galerie imaginaire, comme la taupe d'un de ses derniers textes, hein, dans laquelle eh bien, il fait de la littérature, et il transforme tout en littérature. Nous avons 1 million de mots du côté de Kafka, et de son côté à elle, nous avons seulement 4 cartes postales. Et voici ses cartes postales. Donc évidemment, nous n'avons qu'un faible écho de sa voix à elle. Et c'est ainsi que cette image en est venue à se former chez nous. Il est celui qui l'a enseveli sous les mots. Mais bien sûr, il y a aussi eu 500 lettres d'elle. Simplement, ces lettres ont été détruites. Kafka les a détruites. Mais pas par haine, par courtoisie. C'est ainsi qu'on procédait autrefois. Mais c'est une illusion d'optique, pour ainsi dire. Il y a aussi, ou il y a eu, sans aucun doute, 500 lettres d'elle. Cher Franz, j'ai reçu 5 cartes de toi en voyage. Ce matin, je suis allée à Potsdam avec Erna Steinitz. Dehors, c'est splendide ici. Demain, tu auras plus de nouvelles de moi. Seulement, écris-moi. F. Es gibt mehrere Bemerkungen von ihr. On a plusieurs remarques d'elle. S'il te plaît, écris-moi à nouveau. Ou pourquoi tu ne m'écris pas? Il y a même une carte postale qui dit « Cher Franz, est-ce que tu cherches à me punir ?» Parce qu'il n'a pas répondu depuis quelques jours. Kafka n'était pas le seul à avoir besoin de matières premières, le sang de Berlin. Car on a présenté Kafka comme un vampire qui avait besoin du sang de Berlin. Ça marchait aussi dans l'autre sens. De son côté, elle avait besoin des encouragements de Prague et du charme de Kafka. Il n'exerçait pas de pression directe sur elle comme le faisait sa famille. Il n'a jamais cessé de l'encourager. C'est une chose qui lui manquait dans sa famille. Felice Bauer appartenait à ce qu'on peut appeler une génération intermédiaire. Elle n'était pas encore aussi émancipée que l'aurait voulu Kafka. Elle était émancipée dans sa vie professionnelle, mais elle se laissait toujours commander par sa mère. Sa mère lui donnait des ordres, lui disait ce qu'elle devait faire le dimanche. Fais donc un gâteau pour une fois, tu ne peux pas aller sans arrêt au spectacle ou au cinéma. Il y avait un clan familial comme chez les Kafka. C'est-à-dire par exemple que si Felice avait un petit ami, ou si elle voulait se marier, non seulement les parents avaient leur mot à dire, mais aussi une vingtaine d'oncles et tantes, et ses frères et sœurs aussi. Et un autre exemple, elle était en permanence responsable de tous ses frères et sœurs. Quand un ou une de ses frères et sœurs était dans la difficulté, Felice devait lui venir en aide avec son argent à elle, parce que c'était elle qui gagnait beaucoup d'argent. Elle se sentait souvent dépassée par ses responsabilités, à un point tel parfois que la nuit dans son lit, elle pleurait pendant une ou deux heures. Je crois que Kafka est la seule personne à qui elle ait raconté ça. Elle savait qu'il lui manquait quelque chose pour s'épanouir. Et je crois même qu'elle espérait que sa relation avec Kafka lui permettrait d'atteindre cette maturité supplémentaire. Parce que Kafka était quelqu'un avec qui elle aurait pu parler de tout. Tu m'as écrit une fois que tu voudrais être auprès de moi quand je travaille. Sais-tu que dans ce cas, je ne pourrais pas écrire ? Écrire signifie que l'on se livre sans mesure. C'est pour cette raison que l'on ne peut jamais être assez seul quand on écrit. C'est pour cette raison qu'il ne peut jamais y avoir assez de silence autour de soi quand on écrit. La nuit elle-même n'est pas assez nocturne. J'ai déjà souvent pensé que pour moi, la meilleure manière de vivre serait de m'enfermer avec une lampe et quoi écrire au plus profond d'une vaste cave, dans la pièce la plus cachée. On m'apporterait ma nourriture que l'on déposerait toujours loin de ma pièce, à la porte la plus extérieure de la cave. Le trajet que je ferais en robe de chambre dans toute la longueur du souterrain serait ma seule promenade. Puis je retournerais à ma table, mangerais lentement, avec réflexion, et me remettrai aussitôt au travail. Que n'écrirais-je pas alors ? De quelle profondeur ne saurais-je pas le tirer ? Qu'en dis-tu, chérie ? Ne te dérobe pas à l'habitant de la cave. Ce n'est que 8 mois après leur première rencontre, quelques 200 lettres plus tard, que l'habitant de la cave et Felice Bauer envisagent enfin de se revoir à Berlin. De cette courte entrevue à laquelle Felice ne croyait plus, on ne sait presque rien, sauf qu'ils se promenèrent pendant 1 heure à peine, silencieux, embarrassés, dans le parc de Grunewald. Décision est prise d'une nouvelle rencontre à Berlin quelques semaines plus tard. Cette fois, Kafka est présenté à la famille de Felice. Nachdem Kafka abgereist war, hat die Mutter von Une fois Kafka parti, la mère de Felice lui a dit « La visite de ce monsieur Kafka n'a eu ni sens ni but ». Elle s'attendait à ce qu'une décision soit prise. Mais Kafka, lui, voulait simplement voir Felice et faire sa connaissance, bien sûr. Jusque-là, il ne l'avait vu qu'une fois ou deux. Et la mère voulait une décision. Voilà à quel point les conventions pesaient sur cette famille. Kafka le sentait, bien sûr. Il sentait la pression causée par ses attentes. Évidemment, Kafka a beaucoup contribué lui-même à aggraver cette situation. Et l'aspect le plus grave est qu'il sentait, ou qu'il avait longtemps senti, qu'il ne désirait pas Felice, sexuellement parlant. Et sa grande peur, c'était d'être impuissant le moment venu. Quand ils se sont vus à Berlin, il lui a dit « Il faut que je t'avoue une chose, mais je ne peux pas le dire ici. Je vais te l'écrire. Je dois te faire un aveu. » Le vrai objet de ma peur, on ne peut rien dire ni entendre de pis, c'est que je ne pourrai jamais te posséder. Que dans le meilleur des cas, je devrais me contenter, tel un chien éperdument fidèle, de baiser la main que tu m'abandonneras distraitement, ce qui ne sera pas de ma part un signe d'amour, mais le signe du désespoir de l'animal condamné au mutisme et à une distance éternelle. Bref, que je resterai à jamais exclu de toi. Quand même tu te pencherais tellement vers moi que cela te mettrait en péril. » Et cet aveu, il le traîne depuis un certain temps, il en parle à Brault dans ces termes-là, et il le dit vraiment d'une manière ambivalente. Il lui dit « Je ne pourrai pas te posséder. » Jean-Pierre Lefebvre, professeur émérite de littérature allemande et traducteur de Franz Kafka. Mais en allemand, « besitzen » n'a pas ce sens immédiatement sexuel de posséder, comme le sens biblique de visiter. C'est quelque chose qui est un peu plus lointain du point de vue sémantique, et donc elle a très vraisemblablement compris. Mais disons qu'en allemand, spontanément, la phrase ne signifie pas « faire l'amour avec toi ». Ça signifie un lien qui vraisemblablement aussi lui servait à dire « ne compte pas me posséder, moi ». Il a écrit précisément parce que cette impuissance est inexprimable. C'est l'inexprimable. Et on le voit d'ailleurs dans les lettres, chaque fois qu'il essaye d'en dire plus à Felice. Et un jour vraiment il lui dit, parce qu'il voit bien qu'elle s'égare, elle ne comprend pas. Et elle se dit, au fond, on imagine très bien ce qu'elle peut lui dire. « Mais tout ça, c'est rien, c'est des idées que tu te fais. Il faut un peu de surmenage, mais si seulement tu pouvais dormir davantage. Mange un peu mieux, mange de la viande, mange un peu mieux, dors mieux, ça ira mieux. Et puis, quand on sera marié, tout ça passera. » On imagine très bien les arguments, n'est-ce pas? Donc, un jour, il lui dit, aussi crûment qu'on peut, la vérité. Et elle ne le croit toujours pas. Ce n'est pas croyable. Au printemps 1913, Kafka est envahi par des rêves toujours plus destructeurs, plus masochistes. Il a des visions obsessionnelles, et il les lui décrit, dans lesquelles il est démembré, taillé en pièces, dans lesquelles elle lui roule dessus en voiture. Le conflit dont émanent ces visions est clair. On attend de lui qu'il prenne une décision existentielle. Le mariage serait une décision à vie. 16 juin 1913, traité de demande en mariage. 16 pages. Tu te rends certainement bien compte de ma situation particulière. Comme je te l'ai dit, je n'ai jamais été vraiment malade et pourtant je le suis. Il est possible que d'autres conditions d'existence puissent me guérir, mais ces conditions d'existence, il n'est pas possible de les créer. Toutefois, nous n'avons plus le temps de beaucoup tergiverser, du moins je le ressens ainsi. Voilà pourquoi je te demande, veux-tu, à la condition malheureusement inéluctable que je mentionne ci-dessus, veux-tu être ma femme? Le veux-tu? C'est incroyable ce qu'il fait avec cette demande en mariage. Il écrit la demande, il ferme l'enveloppe et il veut que la lettre parte pour Berlin le jour même. Sauf que la poste a déjà relevé les boîtes aux lettres. Alors il se rend à la gare d'où part le train de la poste. Le soir, la boîte aux lettres de la gare est la dernière où on peut poster du courrier. Sauf que cette boîte aussi a été vidée. Ce qui veut dire que maintenant, il doit la porter directement au train s'il veut qu'elle parte le jour même. Donc il veut aller vers ce train. À l'époque, pour accéder au quai, il faut acheter un petit ticket, une carte de quai, comme on dit. Et donc Kafka veut aller sur ce quai, mais ça ne marche pas, parce qu'il n'y a plus de ticket dans l'automate. Et il est là, cette grosse lettre de 16 pages à la main. Alors arrive un employé de gare qui veut aussi accéder au train. Lui, bien sûr, il n'a pas besoin de ticket. Et il dit à Kafka, « Allez, donnez-moi ça, je la prends votre lettre. Vous voulez sûrement la poster. » « Oui, oui, » dit Kafka. « Mais s'il vous plaît, faites-y attention. » Et il confie cette lettre à un parfait inconnu. Incroyable. Maintenant, réfléchis, Felice, au changement qu'un mariage entraînerait pour nous. Pense à ce que chacun perdrait et à ce que chacun gagnerait. Moi, je perdrais ma solitude, qui est effroyable la plupart du temps, et je te gagnerais, toi, que j'aime par-dessus tous les êtres humains. Mais toi, tu perdrais la vie que tu as menée jusqu'à présent, tu gagnerais un être malade, faible, asocial, taciturne, triste, rigide et presque sans espoir, dont l'unique vertu consiste peut-être en ce qu'il t'aime. Et maintenant, à toi de parler, Felice. Pèse tout ce que j'ai dit dans toutes mes lettres depuis le commencement. Pour ce qui est de la comptabilité extérieure, tu n'as pas besoin de te prononcer. Elle est suffisamment claire. Elle t'interdit un oui avec la dernière rigueur. Reste donc la comptabilité intérieure. Où en es-tu de celle-là? Kafka était obligé d'établir la théorie avant. Il aurait très bien pu, par exemple, tel qu'il était, se lier avec Felice, se fiancer, et puis ensuite elle aurait vu ce qu'elle avait épousé. Mais en fait, il lui dit, les conditions que je te pose pour que nous puissions nous marier sont proprement intolérables. Sache-le bien, réfléchis bien, et quand tu auras bien pesé tout, tu pourras dire oui. Seulement, Kafka ne se contentait pas de lui demander de le prendre par la main et de le conduire au milieu des hommes, ou comme il dit, de lui apprendre le langage humain. Il lui demande aussi d'être à ses côtés, comme si elle n'existait pas, de créer autour de lui une atmosphère de solitude et de silence absolu, de renoncer à tout contact avec la société pour préserver son travail, de le laisser vivre, comme il dit, au fond d'une cave, n'est-ce pas ? De ne pas se plaindre, de ne pas en souffrir, et d'accepter au fond qu'il ne soit jamais avec elle que dans les livres qu'il écrira grâce à elle. Ainsi, tu veux malgré tout prendre cette croix sur toi, Felice ? Tenter l'impossible ? Mes arguments contraires ne sont pas épuisés, car leur liste est infinie, l'impossibilité se prouve continuellement. Il y avait trois types de réponses. C'est impossible, donc je ne veux pas. Ou bien, c'est impossible, donc je ne veux pas pour l'instant. Ou bien, c'est impossible, mais je veux quand même. J'interprète ta lettre comme une réponse au sens de la troisième formule et je te tiens désormais pour ma chère fiancée. Et sitôt après, je dis, si possible pour la dernière fois, que j'ai une peur insensée de notre avenir. Aussitôt, le fantôme monstrueux du mariage est venu hanter ces nuits et donc a commencé une phase, à mesure que la demande avait été acceptée par Felice et qu'on entrait dans le processus familial, avec les rencontres, les mères, etc., ça devient un objet dont tout le monde parle. C'est quelque chose qui était horripilant pour lui. Il entre dans une période de trouble, de crise, dans la dénégation, le refus, il met des bornes, etc. À tel point que Félix, à un moment, se dit « Bon, je peux pas parler avec lui tout le temps, on peut pas se passer notre vie au téléphone, ni passer notre temps à écrire, puisque c'est un lieu de souffrance. » Donc, elle demande à une jeune femme qu'elle connaissait, qui est Grete Bloch, elle lui demande de rencontrer Kafka. Felice trouvait que son fiancé était un peu fou. Elle a donc demandé à son amie Grete Bloch, rencontre ce bonhomme et dis-moi ce que tu en penses. Mais Kafka s'est très bien entendu avec Grete. Et il a réussi à lui parler de sujets délicats, notamment de ses réticences à propos du mariage. Ils ont entamé une correspondance qui était intense, mais qui n'avait rien d'érotique. Et Kafka ne cesse de dire dans les lettres à Grete qu'il a besoin d'elle pour pouvoir en gros supporter la vie avec Felice. Et au moment des fiançailles, donc, qui malgré tout vont avoir lieu à Pâques 1914, après moult hésitations et de Kafka et de Felice, dans un hôtel à Berlin où les parents de Felice sont venus, Grete est présente, donc fiançailles... À l'issue desquels Kafka va écrire qu'il se sent ligoté comme un criminel. Donc bon, on peut imaginer affirmation un peu plus jubilatoire en sortant de ses fiançailles, mais bon. De retour de Berlin. J'étais attaché comme un criminel. Si l'on m'avait assis dans un coin avec de vraies chaînes en postant des gendarmes devant moi, cela n'aurait pas été pire. Et ça, c'était mes fiançailles. Et tous s'efforçaient de me ramener à la vie, et comme cela ne réussissait pas, de me supporter comme j'étais. F, il est vrai, était la moins engagée de tous, complètement dans son bon droit, car c'était elle qui souffrait le plus. Ce qui n'était pour les autres qu'un phénomène était une menace pour elle. Und irgendwann mal hat die Grete Bloch gesagt, à un moment donné, Grete Bloch lui a dit « Je suis désolé, cher docteur Kafka, mais je ne peux plus assumer cette responsabilité. Vous me dites des choses que vous feriez mieux de dire à votre fiancé. Je ne peux plus. » Ce que ça signifiait concrètement, Kafka l'a découvert ce fameux jour lors de cette célèbre scène à l'hôtel Askanischer Hof. Grete Bloch avait découpé au ciseau les passages des lettres de Kafka dans lesquelles il était question de Felice. Et elle les avait données à Felice, qui était son ami. Et donc Kafka, sans se douter de rien, arrive à cet hôtel. Mais là, il n'y a pas seulement Felice Bauer. Il croyait qu'ils allaient passer un moment ensemble, c'était en juillet 1914. Mais une véritable cour de justice. Felice Bauer traitait Bloch d'un côté, et de l'autre, comme témoin, Erna, la sœur de Felice. Et sur la table, il y a ces fameuses lettres, comme dans un vrai tribunal. Les pièces du dossier étalées devant le juge. C'est à ce moment-là que Kafka imagine la métaphore du tribunal. Je suis assis là, à la place de l'accusé, et ces trois femmes sont mes juges. Le tribunal de l'hôtel. Le visage de Eve. Elle se passe la main dans les cheveux, bâille. Retrouve subitement des forces et dit des choses bien pesées, tenues depuis longtemps en réserve, hostiles. Trois semaines après cette scène de la rupture des fiançailles à la Scanischer Hof, qui s'est terminée par une séparation parce que Kafka ne s'est pas défendu, il commence à écrire son roman Le Procès. Cela ne veut pas dire qu'il écrit de manière autobiographique. Cela signifie qu'il transforme en histoire des métaphores qui ont un sens aussi bien dans sa vie personnelle que pour son moi d'écrivain, sa créativité. C'est comme la circulation du sang. Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Mais Kafka, réformé, est lui plongé dans l'écriture du procès, avec une ferveur, une continuité qu'il a rarement connue. Été, automne, sans nouvelles de Felice. Il écrit alors la colonie pénitentiaire dont, dit-il, il n'est pas tout à fait mécontent. Puis c'est la taupe géante, le souvenir du chemin de fer de Calda, le dernier chapitre de l'Amérique. Timidement, pourtant, Felice renoue lors de cet automne 1914. Kafka lui répond, mais la frénésie épistolaire n'est plus à l'ordre du jour. Elle aurait de toute façon été rendue impossible par la guerre. Ce n'est désormais plus du courrier qu'acheminent les trains, mais des soldats. C'est aussi à cette époque que le père de Felice est mort, fin 1914. Elle s'est alors retrouvée seule avec sa mère, et le poids de ses responsabilités a encore augmenté. Elle voulait quitter sa famille, je crois. Mais la seule solution, c'était qu'elle se marie. Elle ne pouvait pas se contenter de faire ses valises en disant « D'accord, je suis votre fille, mais je n'en peux plus de vivre ici. » Ce n'était pas possible. Si elle se mariait, ça l'était. Je crois que c'est une des raisons qui explique qu'elle ait toléré tant de choses de la part de Kafka. Et le 25 janvier 1915, donc 6 mois après la rupture, il lui écrit « Je t'écrirai peu, les lettres vont si lentement, on n'écrit pas non plus aussi librement qu'autrefois. » Et puis je ne t'accablerai plus de prières pour te presser de m'écrire. Les lettres ne nous ont pas apporté grand-chose. Il faut essayer par d'autres moyens. Donc il y a une sorte de constat que ça n'a pas marché. Il y a toujours aussi chez Kafka cette obsession de la renaissance. Je pense qu'il a voulu tenter autre chose avec Felice. Et ils vont se retrouver en 1916. Et c'est ça, je pense, qui va faire basculer. Pour la première fois, ils vont se retrouver ensemble et vivre une intimité amoureuse importante. Sie hatten aber wirklich nur einige wenige Tage. Ils se voyaient rarement seuls tous les deux. Le plus souvent, leur famille était présente. Voilà le problème. Et ce problème a perduré jusqu'aux vacances qu'ils ont passées ensemble à Marienbad. Jusqu'à ce qu'enfin, ils habitent, pas dans la même chambre bien sûr, mais à une porte l'un de l'autre, et passent toute une semaine ensemble. Là, soudain, ils ont réussi à se détendre. Pas au début. Les deux premiers jours, Kafka avait peur. Que va-t-il se passer ? Mais ensuite, ils ont réussi. Et on le voit alors écrire des phrases inhabituelles qu'il n'avait encore jamais dites. Par exemple, « En fait, je ne la connaissais pas encore. » Il dit aussi qu'il l'a pour la première fois regardé profondément dans les yeux. Et qu'il a vu ce qu'il appelle la profondeur féminine. Loin des pressions sociales, l'intimité était tout autre que dans leur lieu de vie habituel. Ils vont, je pense, avoir un rapport physique, charnel, très beau. C'est une forme de révélation absolue pour Kafka. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de lire le manuscrit de Kafka. J'ai travaillé sur les manuscrits des journaux, que j'ai été consultée à la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Et les manuscrits des journaux sont écrits en général soit à l'encre de Chine, soit au crayon noir. On est, voilà, un caractère extrêmement fin, ténu. Et au moment de cette intimité amoureuse physique, l'encre change et utilise une encre bleue. Il passe à une encre de couleur. Et je pense que là, il y a une vraie incarnation. Et à ce moment-là, on pense, Max Brod pense, la sœur de Kafka pense, et je pense lui aussi, pense que ce mariage va être possible, que ce bonheur total va être possible de réalisable. Lettre à Max Brod, juillet 1916. En bref, voici ce que nous avons convenu. Nous marier très vite après la fin de la guerre, louer dans la banlieue de Berlin un appartement de 2 ou 3 pièces, ne laisser à chacun que ses propres soucis économiques. F continuera à travailler, comme elle l'a fait jusqu'ici. Eh bien, moi, je ne peux encore rien dire. Malgré tout, il y a là, à présent, une perspective de paix, de sécurité, et par conséquent, une possibilité de vie. Berlin, le 9 août 1916, mercredi. Chérie, veux-tu me punir ? Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de toi. Je t'en prie, Franz, écris-moi régulièrement. Tu sais quelle joie et apaisement je ressens quand j'ai quotidiennement de tes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai passé la journée au bureau. Ici, il n'y a personne qui me prend par la main et je n'ai pas été capable d'aller déjeuner toute seule. Ce midi, j'ai mangé une tablette de chocolat. Mes maux de tête ont disparu, mais je dors encore très mal. Tu ne m'écris pas un mot à propos de toi. As-tu beaucoup de travail au bureau ? Est-ce que quelque chose a changé dans tes affaires militaires ? Ta maman, est-elle déjà revenue à Prague ? Mes salutations les plus tendres. Ta Felice. Cette période-là va être une période de grande accalmie et donc, nouvelles fiançailles, dont on peut penser qu'elles vont mener à un mariage. Là, vraiment, tout semble à peu près favorable. Jusqu'au déclenchement de l'hémoptysie, c'est-à-dire voilà, une nuit de 1917, Kafka va se mettre à cracher du sang. Et il va écrire à Félix que c'est pour lui le signe qu'il doit arrêter cette relation parce qu'il est inapte à la vie. Il y a 4 semaines exactement, j'ai craché le sang pendant 10 minutes au plus. J'ai cru que cela ne s'arrêterait jamais. Que 2 hommes luttent en moi, tu le sais. Que les meilleurs des 2 t'appartiennent, c'est ce dont, ces jours-ci, je doute précisément le moins. Pendant 5 ans, tu n'as pas manqué d'être informé du déroulement de ce combat. Tu l'as été par mes paroles et mon silence, et par le mélange des 2, en général pour ton tourment. Si tu me demandes si c'était toujours véridique, je ne puis te répondre que ceci. Je n'ai avec personne aussi fortement réprimé mes mensonges conscients que je ne l'ai fait avec toi. Il y a eu bien des dissimulations, des mensonges très peu, en supposant qu'il puisse jamais y avoir très peu de mensonges. Je suis un être mensonger. Je ne peux pas rester en équilibre autrement. Ma barque est très fragile. Tu es mon tribunal humain. Ces 2 qui se battent en moi, ou plus exactement, dont le combat me constitue, ces 2-là sont un homme bon et un mauvais. Par moments, ils échangent leurs masques. Le combat confus n'en devient que plus confus encore. En secret, je ne tiens pas du tout cette maladie pour une tuberculose, ou tout au moins, je ne la tiens pas en premier lieu pour telle. Je la regarde comme ma banqueroute générale. J'ai cru pouvoir continuer, et je n'ai pas pu. Le sang ne provient pas des poumons, mais de quelques coups décisifs portés par l'un des combattants. Ne me demande pas pourquoi je tire un trait, ne m'humilie pas ainsi. Sur un mot pareil, je suis de nouveau à tes pieds. Au demeurant, je te confie un secret auquel pour l'instant je ne crois pas du tout moi-même, mais qui doit pourtant être vrai. Je ne recouvrerai plus la santé. Précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une tuberculose qu'on couche sur une chaise longue et qu'on soigne jusqu'à la guérison, mais d'une arme dont la nécessité extrême demeurera tant que je serai en vie. Et nous ne pouvons pas rester en vie, tous les 2, elle et moi. Il parle de la maladie comme pratiquement d'un être vivant, comme une sorte de conclusion d'un combat existentiel. En fait, mon inaptitude à la vie était ancrée en moi dès le départ, et donc il faut que je cède à cette maladie. Et c'est aussi quand même, malgré tout, une sorte de prétexte pour quitter Félix, pour lui dire « va vers la vie, toi, moi qui me dirige plutôt vers la mort ». Cette année-là, elle est revenue à Prague, à Noël. Et Kafka maintenant était décidé à en finir. Il lui a dit, c'est mieux pour toi, on arrête. Je t'ai assez torturé. Il y a tellement de hauts et de bas, et il n'y a pas le moindre changement en vue. Nous n'avançons pas. Voilà comment ça s'est passé. cette histoire d'amour impossible qui a duré 5 ans, mais qui au fond l'a hanté toute sa vie, car vous savez que mourant encore, il ne pouvait plus parler, mais il écrivait sur des petits papiers pour communiquer avec son entourage. Et l'une des dernières choses qu'il a notées sur une petite feuille volante avait trait à Felice, où il expliquait qu'elle n'était pas belle, mais qu'elle avait un corps noble. Donc jusqu'à la fin, il a vraiment été hanté par Felice. Sie hat dann relativ bald geheiratet. Ensuite, elle s'est mariée relativement vite. Felice avait déjà à peu près 30 ans, ce qui était tard pour l'époque. Elle a épousé un banquier en 1919. Kafka a été très content de l'apprendre, car il croyait qu'il avait ruiné toute possibilité de vie de famille pour cette femme. Son mari, Moritz Marasse, était beaucoup plus âgé qu'elle. À cette époque, il était actionnaire d'une banque. Il menait donc une vie prospère à Berlin. Mais cette banque a beaucoup souffert de la crise économique mondiale de 1929, ce qui a fait perdre des sommes considérables à la famille Marasse. Ils ont déménagé en Suisse avant même l'arrivée des nazis. Puis ils ont fui aux États-Unis. Mais le problème aux États-Unis, c'est que le mari ne parlait pas anglais. Il existe une photographie incroyable sur laquelle on voit la famille Marasse vieillissante, une Felice déjà âgée. On les voit assis sur leur terrasse. Felice coud pour gagner de l'argent. À côté d'elle, une de ses sœurs coud, elle aussi. Puis il y a la fille, qui visiblement est aussi en train de coudre. Et le mari est assis là, complètement apathique et immobile, et ne fait absolument rien. Cette image montre que c'est les femmes qui faisaient vivre la famille. Et le mari était triste à mourir, bien sûr. Je n'ai aucun mal à imaginer que ce mariage raté, vraiment raté à la fin aux États-Unis, ait conduit Felice, après la mort de son mari, à idéaliser Kafka. Elle a sublimé les souvenirs qu'elle gardait de Franz. Tout lui est apparu sous un jour plus favorable. C'est son fils qui l'a persuadé de vendre ses lettres. Avec l'âge, Felice a eu de sérieux problèmes de santé et son fils n'était plus capable de payer tout seul. Elle a commencé par déménager pour se rapprocher de son fils, en quittant la Californie pour les environs de New York. Mais alors son fils lui a dit, « Écoute, tu as une fortune au grenier là-haut, dans un carton. C'est 500 lettres et cartes postales. Tu ne peux vraiment pas t'en passer ? Ces lettres ont beaucoup de valeur, tu le sais. Kafka est un auteur mondialement connu. » Elle le savait d'ailleurs. Elle a répondu, « D'accord, je vends les lettres. » Mais je veux garder les enveloppes en souvenir. Et je veux toutes les relire une dernière fois. Et elle l'a fait, sous les yeux de son fils. Et il m'a dit qu'elle avait retiré certaines lettres de l'alias et qu'elle ne les avait pas livrées à l'éditeur Schocken. C'était apparemment des lettres où Kafka la citait. Citait des phrases particulièrement méchantes, acerbes, où elle lui fait de grands reproches. Des phrases prononcées lors de promenades dans Berlin, où elle lui avait beaucoup reproché son indécision. Ces lettres-là, elle les a écartées. Et le tout a été vendu pour 8 000 dollars, je crois. Ce serait l'équivalent de 8 millions aujourd'hui. Je ne sais même pas si je pourrais me décider à me séparer de ces lettres qui représentent naturellement une période essentielle de ma vie, même s'il ne s'agit que de quelques années. Ces lettres sont après tout très personnelles et témoignent d'un temps de dur combat dont la souffrance physique a malheureusement signifié le terme. Lui qui aimait tant la vie n'a pas eu la chance de la mener jusqu'au bout et d'achever son œuvre. Les lettres ont été publiées pour la première fois en 1967, 7 années après la mort de Felice en octobre 1960 dans l'État de New York. Une clause du contrat qu'elle avait signé avec la maison d'édition Schocken stipulait que celle-ci devrait conserver les originaux des lettres, la famille ne gardant que les enveloppes. Mais le petit-fils de l'éditeur vendit les lettres aux enchères dans les années 80 pour une somme inconnue déboursée par un acheteur anonyme. Seules les lettres microfilmées sont désormais accessibles. Quant aux originaux, ils n'ont jamais refait surface, Peut-être se trouve-t-il dans un coffre-fort à Genève ou à Dubaï. Le fils de Felice Bauer s'appelait Henry Marasse, Heinz en allemand. Il était psychanalyste. Mais quand je l'ai rencontré, il n'exerçait plus, évidemment. Il avait presque 89 ans. Il vivait à une centaine de kilomètres au nord de New York et j'ai pris le train pour m'y rendre. Je suis descendu du train et j'ai scanné les gens, leurs visages. Et je l'ai immédiatement reconnu. Il avait le visage de Felice à un point phénoménal. Je suis allé vers lui, nous nous sommes salués, et sa première phrase a été « Vous venez à cause de Kafka, mais Kafka a torturé ma mère pendant 5 ans. » Je lui ai répondu « Mais votre mère aussi a un peu torturé Kafka, non ?» Picture. A place that's far from danger. Das war auch eine Information, die mich völlig überrascht hat, dass j'ai été extrêmement surpris d'apprendre que ce Henry Marasse, que j'ai interrogé, avait un petit-fils du nom d'Adam Green. Cet Adam Green est un chanteur célèbre aux États-Unis. Il a déjà joué en Allemagne, en France aussi probablement. Et même cet arrière-petit-fils a une petite ressemblance avec Felice. We're not supposed to be lovers. Avec Rainer Starr, Philippe Zarre, Florence Bocco, Yannick Enel et Jean-Pierre Lefebvre, et les archives de Marthe Robert. Les textes de Franz Kafka sont lus par Rainer Sievert, ceux de Felice Bauer par Sarah Jane Sauvegrain, et avec la voix de Laurent Lederer. Traduction Régis Quatresous. Documentaliste Inès Barja, Annie Signoret et Antoine Villoz. Assistante de production, Ottilie Rachel. Prise de son, Alexandra Bergel, Hélène Langlois, Thomas Robin, Cédric Châtelus, Valérie Lavalard et Sébastien Royer. Mixage, Régis Nicolas. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordinatrice, Perrine Kervran. Un documentaire de Ruth Zilbermann, réalisé par Julie Béressy.